tête. Et sinon, tu peux m'aider sur le théorème de Pythagore ? Je pige rien. Bon, t'as un triangle rectangle. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Hein ? Retiens juste que tout doit être carré dans tes triangles. C'est possible, ça ? Un bon pote, c'est bien. Un bon prof, c'est mieux. Pour progresser pendant les vacances, Acadomia propose des stages intensifs, en centre ou en ligne. Renseignez-vous auprès de votre centre Acadomia ou sur acadomia.fr. Acadomia. Ils ont tout pour réussir. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, René Maran, le premier Goncourt noir. Il y a 100 ans, le 14 décembre 1921, c'est la stupéfaction à Paris quand les jurés du prestigieux prix Goncourt proclament leur lauréat, René Maran, pour son premier roman « Batouala ». L'écrivain est un inconnu et en plus, le bruit court qu'il est noir. Une première pour le célèbre prix littéraire. René Maran, âgé de 34 ans, est né à la Martinique de parents guyanais. Mais à la stupéfaction de l'événement littéraire va rapidement succéder le scandale politique. Ce roman étonnant qui raconte la vie fictive du chef guerrier africain Batouala est précédé d'une préface au vitriol, où René Maran, le premier, dénonce sans embâge la réalité de la colonisation française en Afrique, qui au nom du bien tue ses habitants et pille ses richesses. Civilisation, civilisation, orgueil des Européens, tu bâtis ton royaume sur des cadavres. S'affirmant écrivain français à part entière, René Maran appelle ses frères en littérature à l'accompagner dans son combat pour la vérité. Mais René Maran, aujourd'hui écrivain un peu oublié, a porté lourdement le poids du scandale de Batouala, car le premier Goncourt noir, un titre qu'il jugeait réducteur, aspirait par-dessus tout à l'humanité. « Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc », écrivait-il, « il n'y a que des hommes égaux ». France Inter. Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Romuald Foncoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature francophone à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Présence africaine. René Maran est un écrivain français un peu oublié aujourd'hui, mais il a été très connu de son vivant dans les années 20, 30, puis après-guerre jusqu'à sa mort en 1960. Il était écrivain, bien sûr. Il a publié de nombreux romans et des recueils de poèmes. Il était aussi journaliste à la radio, notamment. Mais il est resté toute sa vie, avant tout, l'auteur de Batouala. Oui, pour le grand public, à cause du prix qu'il a reçu en 1921, de façon, on dit inopinée, je ne crois pas, mais c'est parce que c'est ce prix-là qui lui a donné la notoriété qu'il va garder tout au long de sa vie et va même un peu éclipser tout ce qu'il va faire après. René Maran est étiqueté donc Goncourt noir, comme je l'ai dit d'ailleurs, mais l'identité noire est un peu réductrice pour lui, hein, d'autant que cet écrivain, par ses origines, par sa culture, est multiple. Oui, c'est un écrivain d'origine guyanaise, né à Fort-de-France et qui a vécu à Bordeaux et en Afrique. En fait, c'est un écrivain français. Il connaît les îles très peu, puisqu'il est parti des îles à l'âge de 2 ans, il n'y est jamais retourné. Il connaît l'Afrique beaucoup, puisqu'il y a travaillé, il y a vécu enfant, il y a travaillé. Son père lui-même était administrateur colonial. Il a vécu au Gabon quand il était jeune. Il connaît surtout Bordeaux, parce que c'est son alma mater. Bordeaux, c'est son pays, en fait. Oui, parce que quand il est petit, il a 7 ans, je crois. Il est envoyé à Bordeaux. Ses parents l'envoient là-bas pour étudier. Donc, il vit dans un pensionnat et il va très peu souvent voir ses parents. C'est-à-dire qu'en fait, ses parents vivent déjà séparés. Sa mère vit à Talence avec les enfants, son père vit en Afrique puisqu'il est administrateur colonial, et comme sa mère ne supporte pas la vie africaine et que les enfants doivent être éduqués, alors la famille se rapatrie en fait à Bordeaux, et c'est sa mère qui va éduquer tous les enfants pendant que le père va faire des allers-retours entre l'Afrique et Bordeaux. Et évidemment, quand son père revient à Bordeaux et qu'il doit retrouver sa mère, alors on le laisse en pension. C'est des choses qui sont assez classiques. Courant courante à l'époque. C'est courant pour l'époque. Et évidemment, voilà, il va grandir comme un petit enfant, à la fois orphelin sans être orphelin, dans une ville qu'il connaît très bien. Voilà, je crois qu'il gardera longtemps une nostalgie de sa petite enfance, entre 3 et 7 ans, où il a vécu en Afrique avec son père. Il en gardera un souvenir un peu, peut-être un peu mythifié d'ailleurs. Je prétends que c'est la période au cours de laquelle toute sa mythologie littéraire va se construire. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, un peu plus tard, il va écrire Bête de Brousse. Ce n'est pas un hasard s'il va avoir très peur des panthères quand il sera vieux. Ce n'est pas un hasard si, au fond, les animaux l'intéressent. Je crois que c'est en fait cette enfance-là qu'il a vécue en Afrique, qui va nourrir tout son imaginaire, jusque-y compris dans certains passages de Batuala. Donc Batuala, c'est l'histoire, je viens de le dire, d'un chef guerrier africain, mais ça parle aussi de... C'est quoi, en fait? C'est un portrait aussi de l'Afrique un peu rêvé. Batuala, pour moi, c'est un roman naturaliste de l'Afrique que l'on croit être mythique, mais qui est une Afrique réelle, où les individus sont peut-être noirs de peau, mais sont humains dans leur tête, qui sont capables de voir le monde, de danser, de crier, de jouer, d'avoir des jalousies, d'avoir des bagarres politiques, d'avoir surtout les amours ou les haines que tout homme peut avoir. Donc il n'y a pas à faire de l'homme noir dans Batuala un homme qui serait en dehors de l'histoire, un homme qui serait en dehors du monde. L'homme noir est égal à un autre homme, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses aussi belles et des choses aussi monstrueuses que tous les hommes. C'est en fait cela, Batuala. Comment René Maran est-il devenu administrateur colonial, finalement ? Il n'a jamais été administrateur colonial. Il est fonctionnaire de l'administration coloniale. Fonctionnaire, oui, c'est ça. La différence, elle est assez remarquable pour l'époque, parce qu'il n'a jamais fait l'école coloniale, à la différence de Félix Eboué, par exemple, autre Guyanais, et qui sera, comme on le sait, bien sûr, n'est-ce pas, l'un des chefs de la France libre. Et il n'a jamais fait des études supérieures qui le poussaient à entreprendre la fonction d'administrateur colonial. Donc, il est fonctionnaire de l'administration coloniale pour une raison qui est une raison historique que l'on ne rappelle pas toujours en France, à savoir que il est au début des années 1909, il a passé le baccalauréat, il fait des études vagues de droit, comme cela se fait en général à l'époque à Bordeaux. Oui, mais enfin, il y va en dilettante. Et il faudrait bien qu'il travaille parce que sa mère n'a pas d'argent, elle doit s'occuper de ses frères. Et il faut bien qu'il gagne sa vie. Mm-hmm. Et la seule manière pour lui de gagner sa vie, c'est de suivre en fait les pas de son père. Et c'est ainsi qu'il est engagé comme fonctionnaire de l'administration coloniale de troisième classe. Et il va en Afrique. En Ubangui-Chari. En Ubangui-Chari. C'est le Congo. Oui, c'est la Centrafrique actuelle aujourd'hui. Disons que c'est le Congo français, pour reprendre un terme de l'époque. Et effectivement, il va y aller, non pas comme administrateur, mais comme fonctionnaire de l'administration. C'est une sorte de personnel qui est recruté pour cela. Merci Romuald Fonkoua. On continue cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, René Maran, le premier Goncourt noir, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. Novembre 1912. Cher Manoël, encore une journée inutile qui s'achève. Dans cette brousse inerte où rien ne nous rattache à la vie, que d'énergie perdue. Combien de jeunes gens comme moi, partis de France, avec des rêves pleins les yeux, ont fini dans ce trou. Voilà bientôt 2 ans que je couche sur un lit de camp, avec des chemises qui s'effilochent et des caleçons qui tombent en ruine. Et ma mère me dit qu'avec ce que je leur envoie, ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Ne savent-ils pas que pour eux, je me prive de tout ? C'est pour eux que j'ai accepté ce poste dans les colonies, au climat si infernal pour ma santé. Si seulement j'avais ici une oreille amie à qui confier ma peine. Mais non, la vérité est que je n'en ai trouvé aucune. Les fonctionnaires coloniaux passent leur journée à s'abrutir à l'alcool et n'ont jamais dû ouvrir un livre dans leur vie. J'aurais dû me marier quand j'étais en France. Pour me distraire de ma solitude, j'ai commencé à écrire un roman. Ce sera un roman véritablement indigène, qui retracera la vie d'un chef de tribu. J'espère que tu me feras l'amitié de lire le premier chapitre que je vais bientôt t'envoyer. Ton dévoué ami, René Maran. En 1912, c'est un jeune homme de 25 ans, fragile et déprimé, qui se lance dans l'écriture de Batuala. Si René Maran est devenu administrateur colonial, c'est surtout pour subvenir aux besoins de sa famille après la mort de son père en 1911. Mais ce jeune homme, romantique et sensible, n'est guère passionné par son travail et ne supporte pas la solitude de l'Afrique. Son seul centre d'intérêt est la littérature. Et son seul confident est son ami parisien, Manuel Gaisto, lui-même écrivain, avec qui il entretient une abondante correspondance. Pour autant, René Maran, qui s'acquitte consciencieusement de ses fonctions, est plutôt bien vu de sa hiérarchie. Imprégné de la culture coloniale, il estime que la France a une mission civilisatrice à accomplir auprès des peuples indigènes. Mais en 1915, alors qu'il est en déplacement au Congo belge, un incident va profondément faire évoluer sa vision du monde. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai réservé une chambre au nom de René Maran. Ah, désolé, on n'a plus de chambre de libre. Ah, je regrette, mais ma secrétaire a envoyé hier un télégramme pour réserver une chambre. Je suis en mission à Thiesville pour une semaine. Mais puisque je vous dis qu'on est complet. Mais ce n'est pas possible. Je vous prie de bien vouloir vérifier dans votre registre. Excusez-moi, monsieur, mais je suis très occupé. Je vais faire moi-même. Voilà. Je suis ici. René Maran. Regardez. Non, laissez tomber, je vous dis. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas les Noirs ici. Pardon, mais je ne suis pas... Je veux dire, je suis français. Je suis fonctionnaire de l'administration. Tenez, je vais vous montrer mes papiers, puisque vous insistez. J'ai tout sur moi. Tenez, voilà mon passeport, mon livret militaire. Papier ou pas, ici on veut pas de nègres. C'est tout. Allez, 20 ans maintenant. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais prévenir tout de suite le gouverneur. Vous allez avoir des problèmes, croyez-moi. Et ben, préviens qui tu veux, mais fiche le camp. C'est compris? Lâchez-moi! Je ne vous permets pas! Allez, dégage! C'est pas la peine de revenir! Le lendemain, René Maran écrit aussitôt au gouverneur belge du Moyen Congo qui promet de mener une enquête. Et l'affaire en reste là. Mais des incidents de ce genre se reproduisent. L'année suivante, toujours au Congo, on refuse de le servir dans un café parce qu'il n'est pas blanc. René Maran prend alors violemment conscience que malgré ses efforts et son travail, aux yeux des colons, il reste avant tout un nègre. Dans le même temps, il voit les indigènes partir en France pour contribuer à l'effort de guerre, tandis que dans la colonie, ils subissent les violences du travail forcé. Il constate que ses collègues de l'administration ferment les yeux sur ces mauvais traitements, le plus souvent en échange de pots de vin. De fonctionnaire docile, Maran se transforme en révolté. Ses relations avec sa hiérarchie se dégradent. Impuissant, il déverse sa colère dans le livre qu'il est en train d'écrire. Le projet de roman indigène se double désormais d'une charge violente contre les abus de la colonisation. Fort Sibu, le 30 janvier 1920. Cher Manuel, hier j'ai relu d'un bout à l'autre Batuala. En 8 ans, ce manuscrit m'aura coûté bien des ratures, mais désormais il me plaît tel qu'il est. Les colons en prennent pour leur grade, et dès le premier chapitre. En voici un passage. Personne n'ignore que les Blancs, sous prétexte de faire payer l'impôt, forcent tous les Noirs qui sont en âge de prendre femme à se charger de colis volumineux, de l'endroit où le soleil se lève à celui où il se couche. J'imagine d'ici la tête du gouverneur, s'il savait lire. Mais je ne veux pas qu'on se trompe. Le sujet du livre est l'universelle cruauté, qu'elle soit blanche ou noire. Je suis heureux d'avoir fait une telle œuvre. Aussi suis-je décidé à lui trouver un éditeur qui la fera vivre. Ça ne va pas arranger mon cas dans la colonie, mais qu'importe. De toute façon, ces gens ont juré ma perte. Non, mon seul souci est la forme du livre. Je veux qu'il soit irréprochable. Pas d'erreur, pas d'imperfection qui ferait dire que c'est un nègre qui l'a écrit. Ma fierté sera de l'avoir écrit dans le français le plus pur qui soit. Je compte sur toi pour relire le dernier chapitre avant mon arrivée à Paris. J'ai eu du mal à obtenir un congé, mais ça y est, dans un mois, je serai au Quartier Latin. Ton fidèle et dévoué, René Maran. 27 février 1920, à Paris, dans un café du Quartier Latin. Monsieur, je vous rappelle que ce café est réservé aux Blancs. Dans ce cas, je ne pensais pas vous y trouver. Je ne savais pas que les Portugais étaient considérés comme des Blancs. Je suis un peu plus blanc que toi, quand même. L'apparence seulement, mon cher Manuel. Nous, poètes, ne voyons que la couleur des armes. C'est ça, ouais. En tout cas, je ne sais pas si elle voit mon âme, mais... Il y a une jolie fille dans le fond qui n'arrête pas de me regarder. Ah oui? Je crois plutôt que c'est moi qu'elle regarde. Pourquoi ce serait toi? Curiosité exotique, sans doute. Ne connais-tu pas la force d'attraction du nègre sur les femmes? On va bien voir. Je suis sûr que c'est pour moi qu'elle en pense. Attends, regarde ça, elle se lève. Guigui, qu'est-ce que tu fais pour réduire de cas? Chut, je vais t'expliquer. Tu la connais, cette fille? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec la fille. C'est bon. Tu vas m'expliquer ton manège? C'est Henri Dreynier qui vient de passer dans la rue. Je ne voulais pas qu'il me voie. Henri vient de passer? Mais pourquoi tu te caches? Ça fait des semaines que je veux te le présenter. Justement, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. L'autre jour, j'ai croisé dans le quartier notre ami Lafont. Tu sais comment il est. Il m'a demandé à qui j'avais envoyé mon manuscrit et j'ai pas osé dire que je ne l'avais pas encore fait. Alors j'ai dit que je l'avais adressé à Henri Dreynier chez Albin Michel et qu'il est en train de le lire. Voilà. T'as dit ça? Oui. Et Lafont s'est empressé de le répéter à tout le monde. Au point que Matondi s'en est revenu aux oreilles d'Henri Dreynier. Voilà en deux mots le ridicule dans lequel je me suis mis. Par ma propre bêtise. T'exagères, ça n'a rien d'irréparable. Hein, tu crois ça? Un écrivain que personne ne connaît et qui se vante d'avoir son manuscrit en lecture chez un grand éditeur. Qu'a dû penser Régnier à ton avis? Que j'étais un sot prétentieux? Ou que les tropiques m'avaient tapé sur la tête? Eh ben moi je vois qu'une solution pour te sortir de là. Lui envoyer pour de vrai ton manuscrit. Ah t'es fou. Non, après le mensonge dans lequel je me suis empêtré. Eh ben tu lui diras simplement que t'as pris un peu d'avance, c'est tout, ça n'a rien de dramatique. Je crois que je ne vais l'envoyer à personne. J'ai relu la première partie hier. Aucun éditeur ne va en vouloir. C'est trop violent. Écoute ça. Voilà, là. Les animaux et les nègres de la brousse apprécient les vertus de l'eau, mais les blancs n'en ont cure. La moindre ablution leur fait horreur. Sans doute est-ce pour ça qu'ils puent toujours le cadavre. C'est vrai, ça, nos dignes colonisateurs ne se lavent pas? Ils n'en ont pas besoin puisqu'ils font transpirer les autres. Le trait est un peu forcé, je te l'accorde, mais c'est ça qui va leur plaire. Écoute, on passera toutes tes outrances à cause de ta couleur. Rends-toi compte, une critique des colonies par un colon français mais qui a la peau noire. En somme, la plume de quelqu'un qui se situe des deux côtés de l'affaire. C'est un sujet entièrement nouveau. Eh bien moi, je veux qu'on me publie pour mon style, pas pour ma couleur de peau. René, je te le dis vraiment en toute amitié, tu me fatigues, tu te poses trop de questions. D'accord? Ça fait 8 ans que tu traînes ce manuscrit et maintenant tu te demandes si tu veux être publié à cause de ta couleur de peau ou malgré elle? Et c'est trop tard pour te demander si tu veux ou pas être noir. Il faut que t'ailles au bout. T'attends. Elle vient vers nous. Qui? La fille de tout à l'heure. Oh, t'avais raison. J'ai l'impression que c'est toi qui lui plaît. Ah, tu sais bien que j'ai pas la tête à ça. Et justement, t'es au quartier latin. Il faut que tu te distrais un peu avant de retourner dans ta brousse. Tiens, je sais. Ce soir, on sort. Faire la bringue avec ta nouvelle conquête. Ah, ma conquête, mais de quoi tu parles? Mademoiselle, bonjour. Oh là là. Excusez-moi, là. Je tiens à vous présenter mon ami écrivain René Marant, qui va bientôt publier son premier roman chez Albin Michel. Ce soir, si vous le permettez, je vous emmène tous les deux écouter du jazz au bœuf sur le toit. Ça vous dit? Alors, tu seras bien obligé de l'envoyer, ton manuscrit, maintenant. Promis, je l'envoie cet après-midi. Allez, à ce soir. À ce soir. Et merci. Le lendemain, Henri de Régnier, figure importante de la vie littéraire, reçoit le manuscrit de Batouala. Dès la lecture des premiers chapitres, il est enthousiasmé par le manuscrit. Le sujet en lui-même, la vie d'un chef de tribu dans la brousse, l'intéresse moins que les considérations sur la colonie dont René Marant a parsemé l'ouvrage. En éditeur avisé, il pressent que le roman va faire polémique et donc se vendre. Le 15 mai 1920, René Marant signe son premier contrat d'auteur chez Albin Michel. Puis en janvier, après 16 mois de congés passés en France, il embarque pour l'Afrique. Il confie à Manuel le soin de veiller sur la publication du livre et surtout de présenter le manuscrit au prix Goncourt. En décembre 1921, Batouala se retrouve en lice pour le prestigieux prix. Les membres de l'Académie Goncourt, réunis au restaurant Drouan, distinguent nettement deux candidats pour le second tour, René Marant et Jacques Chardonne. Avec 5 voix chacun, ils sont à égalité. Mais comme le veut le règlement du Goncourt, la voix du président du jury est prépondérante. Le 14 décembre 1921, René Marant devient ainsi le premier lauréat noir du prix Goncourt. Fort Archambault, le 17 décembre 1921. Cher Manoël, c'est un fonctionnaire colonial bien ordinaire que tu aurais pu contempler si tu étais ici. Depuis hier matin, où à 7 heures j'ai reçu le télégramme m'avertissant que Batouala a eu le prix Goncourt, je me suis efforcé de vaquer à mes occupations avec le plus de tranquillité possible. Mais au-dedans de moi, quelle tempête ! Le soir, quand je me suis enfin couché sous la moustiquaire de mon lit de camp, une vague d'allégresse m'a emporté. Je pleurais, je riais, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais des frissons. Mon cœur battait à tout rompre. Et ce qui me rendait le plus heureux, c'était que je venais de prouver à tout l'univers qu'un nègre formé à la française pouvait produire une œuvre de mérite. En un mot, être quelqu'un. Tu n'imagines pas la consternation que ce prix a semé dans la colonie. Naturellement, mes supérieurs se sont efforcés de ne pas répandre la nouvelle. Sans doute auraient-ils bien voulu escamoter les dizaines de télégrammes de félicitations que je reçois depuis Bordeaux et Paris. Mais ils vont devoir se faire à ce que l'un des leurs ait osé dénoncer leur veulerie abjecte. Préviens-moi de la suite des événements et si Henri refait un nouveau tirage. Ton très heureux ami, René Maran. René Maran, tout à sa joie, est loin de se douter de l'onde de choc que le roman va provoquer en France. Si quelques journalistes émettent des critiques favorables, la plupart l'attaquent violemment. C'est surtout la préface du roman qui choque l'opinion. René Maran y décrit des fonctionnaires coloniaux désœuvrés, corrompus, alcooliques, exploitant les indigènes sans scrupules. Cette abjection ne peut qu'inquiéter de la part de ceux qui ont la charge de représenter la France, écrit-il. Cette attaque en règle contre la France civilisatrice provoque un immense tollé. René Maran est accusé de véhiculer des accusations mensongères. En février 1922, un député interpelle la Chambre et demande à ce que des mesures sévères soient prises à son encontre pour avoir calomnié la patrie. En juin 1922, René Maran est convoqué par Albert Sarraut, le ministre des colonies. Monsieur Maran, asseyez-vous. Comment allez-vous ? Fort bien, monsieur le ministre. Je suis très heureux d'être reçu par vous, ma précédente demande d'audience n'ayant pu aboutir. Je me souviens très bien. Vous aviez demandé à me voir au mois de janvier. Oui, monsieur le ministre. J'avais sollicité la permission de rentrer en France pour mieux me défendre de l'outrageuse campagne de presse me calomniant, mais la permission de rentrer m'a été expressément refusée par le gouverneur. Attendez, je ne vous ai pas fait venir ici pour parler de vos congés. Si le gouverneur a refusé de vous laisser rentrer en France, c'est qu'il avait ses raisons. Monsieur le ministre, une mission d'inspection est arrivée au Tchad en janvier dernier, précisément au moment où la polémique autour de mon livre battait son plein. J'espérais que cette mission se chargerait précisément d'enquêter sur les accusations que je porte, mais au contraire, ordre lui a été donné de porter ses recherches ailleurs. Écoutez, Maran, dois-je vous rappeler que c'est moi qui vous ai convoqué ? Ce n'est pas à vous de faire les questions et les réponses. Bien. Je voulais vous voir précisément au sujet de votre livre. L'avez-vous lu, monsieur le ministre ? Pas en entier. Mais un collaborateur me l'a résumé, et puis il suffit de lire la presse. Pas un jour sans qu'on ne parle de Batoila. Vous êtes devenu la coqueluche du monde littéraire. Si seulement cette publicité avait pu servir la cause que je défends. Mais hélas, il semblerait que les journalistes ne cherchent qu'à m'attaquer, et aucun à vérifier par lui-même ce que j'avance. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Votre père était un fidèle serviteur de la France. Vous l'êtes devenu à votre tour, et à ce que je sache, vous êtes toujours parmi nous. Dans votre livre... Attendez... Où est-ce ? Ah oui, dans la préface. Vous reconnaissez bel et bien la mission civilisatrice de la France. Et puis quelques pages plus loin, vous prenez le parti des indigènes et vous accusez l'homme blanc de traiter le noir pire qu'un chien. Avouez que c'est à n'y rien comprendre. Tel est précisément mon propos, monsieur le ministre. J'ai voulu être aussi objectif et nuancé que possible. J'ai toujours défendu le principe de la colonisation, que je trouve louable. J'ai simplement voulu dénoncer les abus opérés par certains individus. Et pourquoi n'avez-vous pas signalé ces abus en temps et en heure à votre hiérarchie ? Je l'ai fait, mais l'on n'a pas tenu compte de mon rapport, monsieur le ministre. Vous accusez vos collègues d'avoir frappé et assassiné des indigènes. Pourtant, si j'en crois le rapport que j'ai lu sur vous, vous seriez responsable de la mort de l'un d'eux. Un certain Mango, en Ubangi-Chari. Les faits se sont produits en 1918 et ont donné lieu à une commission d'enquête. Ces allégations sont fausses. C'est un soldat placé sous mes ordres qui a frappé un indigène. Je l'ai fait aussitôt porter à l'infirmerie. Le pauvre homme est mort 2 mois après. Ce soldat était bien placé sous votre responsabilité. Pourquoi n'avez-vous pas rapporté ces faits à votre hiérarchie ? Écoutez, monsieur le ministre, je vais vous dire la vérité. Si vous me demandez si dans ma vie il m'est arrivé de frapper un indigène, la réponse est oui, comme les autres. J'ai été contraint de le faire pour me faire obéir. et même plus que les autres, car les colons qui me détestaient les montaient contre moi. Il leur disait « C'est un sale nègre comme toi, tu ne vas tout de même pas lui obéir ?» Ces fonctionnaires indignes m'ont mis dans l'obligation de faire comme eux. Voulez-vous que je vous dise ? J'ai le plus grand mépris pour les individus de votre espèce. De votre propre aveu, Maran, vous n'êtes ni meilleur ni pire que les autres. Et vous soulagez votre conscience en accablant les Blancs de tous les maux. Les Blancs dont vous faites partie, quoi que vous disiez. Car je suis certain que les indigènes vous regardent comme un parfait assimilé. Vous avez un petit talent littéraire, c'est certain, mais votre lâcheté, elle, est sans limite. Qu'attendez-vous de moi, monsieur le ministre ? À votre avis ? J'attends à ce que vous retourniez à votre poste et que de là, on ne vous entende plus. Pas de droit de réponse dans la presse, pas d'interview, rien. Officiellement, René Maran est consterné de la polémique produite par son livre et fait profil bas, ce qui laisse à penser qu'il admet lui-même avoir exagéré. Et si je refuse ? Je pense que la presse serait enchantée d'apprendre que le prix Goncourt est responsable de la mort d'un de ses frères dont il parle avec tant d'empathie. Ne m'obligez pas à donner du grain à moudre aux journaux. Je ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Au revoir, monsieur le ministre. René Maran a beau faire profil bas, le scandale continue de se propager et dépasse les frontières. L'impact du prix Goncourt se ressent aux États-Unis, où un journal à grand tirage, le Literary Digest, rend compte de Batuhalla et des accusations portées par Maran. En Allemagne, le livre arrive au bon moment. À cette période, la France négocie auprès de la Société des Nations l'obtention du Cameroun et du Togo, deux anciennes colonies allemandes. Les Allemands n'hésitent pas à utiliser Batuhalla comme une arme dans leur contentieux avec la France. Le journal Berliner Tageblatt accuse ainsi la France de mener une politique coloniale désastreuse, dénoncée par l'Académie Goncourt en personne. Dans les milieux diplomatiques, c'est la panique, on essaye d'éteindre l'incendie. De son côté, René Maran se cherche des alliés, mais il n'en trouve guère. En 1923, il demande à rencontrer le député Georges Mandel, qu'il a défendu à la Chambre. Celui-ci lui donne rendez-vous un après-midi d'octobre à l'hôtel du Grand Théâtre à Bordeaux. Cher monsieur Maran, nous sommes je crois de la même région, et tous deux par adoption. Paris est la ville des écrivains, mais Bordeaux est et restera toujours ma ville de cœur. Mon chef de cabinet, Vigneault, m'a dit que vous étiez ensemble à Montaigne, un excellent lycée. Oui, mes parents ont tout fait pour me donner la meilleure éducation possible. Mais à Montaigne, j'étais malheureux comme les pierres. J'étais le seul noir de la pension, un enfant solitaire et triste. En partant en Afrique, j'ai cru échapper à ce sentiment, mais je l'ai retrouvé avec encore plus de force, celui de n'être à sa place nulle part. Je sais de quoi vous parlez. Voyez-vous, je suis né Louis Rothschild. Quand je me suis lancé en politique, j'ai changé mon nom, pensant que les Français me feraient un meilleur accueil. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Derrière leurs concitoyens, leurs maires, leurs députés, ils continuent à voir un juif. C'est la même chose avec ceux qui vous attaquent. Vous pouvez servir la France autant que vous voudrez, ils verront toujours en vous un noir. Je sais. Depuis 2 ans, j'ai perdu toute illusion sur la nature humaine. À ce propos, je voulais vous remercier de m'avoir défendu à la Chambre. Il fallait bien que quelqu'un leur pose la question qui tombait sous le sens. Si les accusations de René Maran sont mensongères, pourquoi ne pas ordonner une enquête pour laver la réputation de la France ? Hélas, la réponse du ministre a été claire. Le gouverneur de l'AEF a fait savoir que toutes les allégations de René Maran étaient infondées. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est cela, voyez-vous, qui me tourmente le plus. Qu'ils fassent de ma vie un enfer, je m'y attendais. Mais qu'ils enterrent l'affaire aussi promptement, qu'ils disqualifient de la sorte un livre qui a reçu la plus haute récompense littéraire, c'est à désespérer de la patrie des droits de l'homme. C'est que vous vous êtes attaqué à bien plus grand que vous, l'administration. Et surtout, au-delà d'elle, l'armée. C'est l'honneur même de l'armée française que vous avez mis en cause. Et cela, personne ne vous le pardonnera. Ils iront loin pour vous faire taire, croyez-moi. Souvenez-vous de Dreyfus. J'avais 17 ans et c'est ce qui m'a décidé à m'engager en politique. J'ai été naïf. J'ai cru que le pays des Lumières apporterait la civilisation au peuple d'Afrique. J'ai cru que cette France oublierait ma couleur de peau et traiterait mes frères avec douceur et générosité. Sans idéaux, il n'y aurait pas d'écrivain. Chacun son métier, mon cher. Et le vôtre est certainement plus du côté des lettres que de la politique. Votre cas me fait penser à quelque chose. Savez-vous comment on a choisi le soldat inconnu ? Non, je l'ignore. Eh bien, vous ferez de ma révélation ce qu'il vous plaira. 2 ans après la fin de la guerre, on choisit donc un vaste charnier comme il y en eut tant. On exhuma une première dépouille qui se trouva être celui d'un tirailleur sénégalais. Pas de papier sur lui, il répondait donc à ce qu'on attendait de lui, un parfait inconnu. Mais le soldat inconnu ne pouvait être un noir. Il en fut de même des 3 ou 4 cadavres suivants, tous des nègres, sans doute issus du même bataillon. Il fallut attendre de déterrer le 5e cadavre, qui était blanc. Je peux vous dire que le général Végan, qui était à la tête de la manœuvre, n'a pas parlé de cela dans son dernier ouvrage. Je ne connaissais pas ce simulacre macabre. J'en reste sans voix. Pour vous, il vaut sans doute mieux que vous restiez sans voix quelque temps. Méfiez-vous. Ils sont capables de tout, y compris de vous liquider. Vous feriez mieux de démissionner et de rentrer définitivement en France avant qu'on ne vous retrouve lesté d'une pierre au fond du fleuve Congo. Démissionner, cela voudrait dire que je suis coupable. Or, je n'ai fait que dire la vérité. Comme vous voudrez. C'était un conseil d'amis. Faites attention à vous. L'étau autour de René Marrant se resserre. En mars 1924, alors qu'il se trouve en France, il reçoit une lettre l'obligeant à rentrer en Afrique pour comparaître devant une commission d'enquête. Dans l'intervalle, son salaire est suspendu. L'écrivain comprend alors que son livre l'exposera durant toute sa carrière aux persécutions de ses chefs. Le 1er août 1924, il démissionne de la fonction publique pour se consacrer entièrement à l'écriture. Brazzaville, le 10 août 1924. Cher Manoël, je suis rentré la semaine dernière à Brazzaville pour empaqueter mes affaires. À la vue de ces cartons à faire, une immense lassitude m'a envahi. Il y a 2 ans, je me sentais prêt à tout endurer. Les obstacles, les embûches, les menaces. Je voulais vaincre et j'avais la certitude que je vaincrais. Avec le prix Goncourt, j'ai cru gravir les premières marches de la réussite. En réalité, il a marqué le début de ma chute. Batoila ne m'a valu que des malheurs et pas la moindre reconnaissance littéraire. Aujourd'hui, que je m'apprête à vivre de ma plume, j'ai le sentiment de repartir de zéro. Ces 2 dernières années, j'étais plus occupé à me défendre contre une bande de voyous qu'à fréquenter des cercles littéraires. Si tu peux m'introduire auprès de personnes que tu estimes, je t'en saurai gré. Note bien ma nouvelle adresse. Tu peux désormais m'écrire au 28 rue de la Huchette. Ton ami, René Marrant. René Marrant ne se trompe pas. Malgré le coup d'éclat du prix Goncourt, sa réputation d'écrivain est bien plus internationale que française. Rentré à Paris, il écrit dans des journaux et participe à des conférences, mais ses travaux lui procurent à peine de quoi vivre. Une rencontre vient toutefois égayer sa vie, celle d'une jeune femme, Camille Berthelot, qu'il épouse en 1927. Persuadée de son talent, elle le pousse à continuer son œuvre romanesque, en dépit des difficultés financières. René Marrant a la satisfaction de voir que Batoila a ouvert une brèche. De plus en plus de voix s'élèvent pour condamner les pratiques de la France en Afrique. En juillet 1926, André Gide, au sommet de sa gloire littéraire, entreprend un voyage de 11 mois au Congo avec son amant Marc Allégret. Mais ce qui ne devait être qu'un voyage d'agrément prend une toute autre tournure. À son retour à Paris en mai 1927, André Gide se rend au domicile de René Marrant. Cher monsieur Gide, entrez. Pardonnez la modestie de mon appartement. Ce n'est pas tous les jours que je reçois la visite d'un grand nom des lettres françaises. Oh, moi, je ne me rends pas souvent chez mes confrères. Trop de jalousie, trop d'ennemis. Tout le monde me déteste pour avoir osé étaler mes mœurs sur la place publique. On vous déteste peut-être, mais au moins, on vous lit. Moi, j'ai été encensé par quelques-uns, puis haï par beaucoup, et aujourd'hui, me voilà relégué au second plan de la vie littéraire. La mode de l'écrivain nègre est passée. Oh, qu'importe la mode. Si je voulais vous voir, c'était pour dire toute mon admiration à l'auteur de Batoila. Quel style ! Merci. Quelle force littéraire ! Je l'ai lu pendant mon voyage. Vous savez que je reviens du Congo, je suppose. La presse en a parlé. Oh, je ne lis plus guère les journaux. Mais nous avons en commun un ami, Henri de Régnier. Il m'a dit que vous lui aviez demandé un exemplaire de Batoila avant votre départ. C'est exact. Vous connaissez mon amour du voyage. J'avoue cependant que jusqu'ici, mes aventures s'étaient limitées à la Méditerranée. Mais mon cher Marc Allégret, avec tout l'enthousiasme de sa jeunesse, s'est mis en tête d'aller en Afrique et de filmer ce qu'il verrait là-bas. Nous avons donc embarqué pour Brazzaville en juillet dernier, lui avec une caméra et moi avec une malle de livres, dont le vôtre. Oh, c'est un bien grand honneur. Vous avez donc pu constater par vous-même la triste réalité que je décris. Mmh, précisément. Alors moi qui fantasmais sur l'exotisme de l'Afrique, j'en ai été pour mes frères. Mmh. En remontant le fleuve, j'ai été saisi par la monotonie du paysage. Un horizon gris et interminable, un ciel qui s'étire à l'infini, où rien n'accroche le regard. Mmh, cette monotonie, cette langueur, voyez-vous, c'est l'âme de l'Afrique. Un jour viendra, j'en suis sûr, où une génération d'écrivains africains saura parler de leur pays sans faire référence aux Blancs. Ouais. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'état pitoyable des populations. À notre approche, ils s'enfuyaient, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Mmh. Et puis alors j'ai compris, ils avaient peur du Blanc, peur du travail forcé, peur d'être exploités, pillés, brutalisés, humiliés. J'ai vu de mes yeux les pratiques indignes des propriétaires de concessions qui brutalisent, qui escroquent les indigènes. Et mon indignation n'a fait que croître quand je me suis aperçu que les administrateurs coloniaux étaient au courant de ces pratiques et les couvraient. C'est ce que j'ai essayé de dire pendant les deux longues années où on m'a persécuté, puis réduit au silence. Mais vous, cher André Gide, vous régnez sur les lettres françaises. Imaginez qu'un écrivain aussi célèbre que vous raconte dans les journaux ce qu'il a vu. Cela aurait un impact immense. Précisément. Alors j'ai pris quantité de notes pendant le voyage, voyez-vous. Je pourrais facilement les confier à l'NRF pour une publication. Un livre, mais voilà qui sera encore mieux. Alors là, n'hésitez plus, je vous aiderai autant que possible. J'ai longuement hésité. J'ai toujours été un esthète à qui l'engagement politique faisait horreur. Mais lors de ce voyage au Congo, voyez-vous, j'ai éprouvé avec une violence intacte le sentiment de révolte qui m'habite depuis mes 16 ans. La révolte, voilà ce que nous partageons au-delà de nos différences. L'homme révolté n'a pas de classe sociale, ni de couleur de peau. C'est un état d'esprit. Une manière d'être au monde. Je vous rejoins absolument. Alors bien sûr, certains verront dans ce livre une publicité odieuse. Alors quoi, Gide, ce dandy, ce débauché pervers s'intéresse au sort des Africains. Mais ceux qui savent me lire me retrouveront tel que je suis, d'une sincérité absolue, y compris dans mes contradictions. Et puis voyez-vous, la colonisation ne m'a jamais totalement convaincu. Sans doute parce qu'elle a trop à voir avec la patrie et la religion, deux choses que je hais. Bien. De quoi avez-vous besoin ? J'imagine que vous n'êtes pas venu ici uniquement pour me féliciter sur mon style. C'est exact. Je souhaiterais m'entretenir avec vous, disons, de faits sur lesquels je manque d'informations précises. Mm-hmm. Sur la construction du chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, par exemple. Je n'en connais que ce qu'on m'a raconté sur place, et alors tous les récits se contredisent. La ligne Congo-Océan. Je peux vous dire que quand elle sera terminée, ce ne sera pas des centaines, mais des milliers de nègres qui seront morts pour la construire. Le gouvernement a missionné la SCB pour construire la section côtière. Attendez, attendez, pas si vite, je prends des notes. Bien sûr, pardon. Non, je disais, oui. Le gouvernement a missionné la SCB pour construire la section côtière. Ici. Paris, le 25 septembre 1927. Cher Manoël, tu as dû voir que Gide a publié son voyage au Congo la semaine dernière. Sa lecture m'a bouleversé. Il ne se réfugie derrière aucune doctrine idéologique. Il se contente de raconter ce qu'il a vu, avec une simplicité dont je ne le croyais pas capable. Au passage, je dois souligner qu'il ne m'a remercié à aucun moment, ni dans la préface, ni à la fin. C'est moi qui lui ai parlé de la construction de la ligne de chemin de fer qui doit relier Brazzaville à Pointe-Noire. C'est moi qui lui ai raconté l'horreur du travail forcé, les rafles opérées par les officiers français dans les villages. Mais je pensais que cette réalité sordide n'avait pas sa place dans un roman. Là est sans doute mon erreur. Sans doute que si j'avais écrit un témoignage comme Gide, on m'aurait pris plus au sérieux. Peut-être aussi que la parole d'un blanc sera toujours plus écoutée que celle d'un noir. Peu importe après tout. La fierté de ma vie restera d'avoir été le premier à écrire ces lignes dans Batouala. Le premier à écrire ces lignes dans Batouala. Civilisation, orgueil des Européens et leur charnier d'innocents. Tu bâtis ton royaume sur des cadavres. Ton ami, René Maran. René Maran, le premier Goncourt noir, un texte de Marjorie Philibert, avec René Maran, Gaël Kalimindi, de la Comédie française, Georges Mandel, Gabriel Dufay, Albert Sarraud, Luc-Antoine Diquero, le directeur de l'hôtel Olivier Malazuc, André Gide, Yannick Chouara, Manuel Gaisto, Julien Alouf, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Éric Villenfin, assistant à la réalisation Léo Durin, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. Je reprends la discussion sur René Maran avec mon invité, Romuald van Koua, dans quelques minutes. Bells they chime, bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. There's a coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slight shapes shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find. In the fantasy life of poetry and crime, hold Normandy and send Fantasy Life of Poetry and Crime de Pete Doherty sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Anna Massardier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Adèle Caglar. Romuald van Koua, on l'a compris, le scandale Batoila est un véritable séisme en France en 1921-1922. Est-ce que c'était la première fois qu'un écrivain français dénonçait la réalité du colonialisme comme ça? À ce point-là, oui. C'était la première fois qu'un écrivain français dénonçait avec une aussi violence, avec une aussi force, la colonisation. Et je rajouterais, c'est un écrivain français noir qui oui. dénonce la colonisation. Oui. Ça fait beaucoup. Et c'est en plus une dénonciation qui vient après des signalements, si je peux parler comme dans la police, des signalements de faits qui sont considérés comme étant des faits délictueux dans la colonisation, signalement auprès du gouvernement, mais signalement également auprès d'un certain nombre d'élus de la République, comme le député de la Guadeloupe, Candace, qu'il connaissait très bien et à qui il s'était déjà ouvert sur les exactions coloniales, mm-hmm. et qui lui avait demandé de mettre un peu la pédale douce sur ce qui se passait dans les colonies. Donc, ce qu'il met dans le roman n'est que l'infime partie de ce qu'il sait et des témoignages qu'il a collationnés par ailleurs, et dont il fait d'ailleurs mention dans la correspondance à Manuel Gaïsto. Donc c'est quelqu'un qui a été très très attentif à la situation coloniale, parce que la réalité qu'il a vécue sur le terrain n'est pas exactement ce qu'il avait imaginé quand il est parti. Il est parti en civilisateur de l'Afrique, civilisateur de ses congénères. Il est confronté à bourreau de ses congénères. Je crois que ça lui pose quelques petits problèmes de conscience. C'est quand même une certaine audace de la part du Goncourt, de l'Académie Goncourt, en 1921, de dédier son prix à cet auteur-là. Quoi. C'est quand même, surtout face à Jacques Chardonne, écrivain qui est quand même alors un écrivain réputé. Et puis bon, on peut pas le savoir évidemment en 1921, mais il va un jour s'engager dans la collaboration pendant l'occupation. Enfin, c'est audacieux de dédier ce prix à René Maran, en 1921. C'est doublement audacieux. Il faut sans doute revenir à l'histoire du prix Goncourt pour pouvoir comprendre l'audace du prix Goncourt. Le prix Goncourt est confronté à un vrai problème en 1920, c'est l'entre-soi. Et on sait qu'au fond, il existe des cabales, des chapelles, des retours d'ascenseur. C'est un peu marronnier par rapport au prix Goncourt. Hein, je dis ça, pas c'est que le prix Goncourt, d'ailleurs, des retours tous les d'ascenseur prix. Donc, effectivement, le prix Goncourt, si j'ose dire, n'a pas très bonne presse, qu'on le veuille ou non, dans les années 20. Et on le soupçonne, effectivement, ceux qui l'ont, de ne pas être de vrais écrivains. Et que le prix Goncourt passe toujours à côté des vrais écrivains. Et la réforme, justement, du prix Goncourt se produit exactement cette année-là, puisque pour la première fois, le président du prix Goncourt a voix prépondérante. Et c'est cette voix prépondérante qui va faire que René Maran gagne le prix Goncourt. Et le simple fait de donner le prix Goncourt à René Maran en 1921, à un noir qui écrit sur la colonisation et qui la dénonce, permet en fait le prix Goncourt de faire coup double. D'abord de faire que le roman inattendu devienne prix, ensuite de le donner au personnage le plus inattendu de la place parisienne de l'époque, qui ne vit même pas à Paris, qui vit en Afrique, qui vit aux colonies. C'est une sorte de coup. Un coup de pub qui en fait va relancer alors le prix Goncourt, qui était en train de vivre un peu dans les limbes. René Maran, on l'a entendu, ne partage la conviction que la France a une mission civilisatrice, mais qu'elle est détournée de sa vraie mission. Elle fait des erreurs. Mais est-ce qu'il va par la suite, René Maran, garder toujours cette conviction, ou est-ce qu'il va devenir plus anticolonial qu'il ne l'était au début ? Il vit, René Maran, comme tous ceux de sa génération, dans l'utopie coloniale. Il est né en 1887, il faudrait quand même le rappeler, à la fin du 19e siècle. Oui. Il a les idées de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'au fond, il croit, parce qu'il a été éduqué comme cela, parce qu'à l'école, on lui a appris, parce que dans ses classes, au collège et au lycée, il y avait toujours l'image de la grande France coloniale, les cartes géographiques qui permettaient en fait de rêver de ces territoires-là. Oui, il vit effectivement, comme tous ceux de sa génération, blanc et noir en France, dans l'idée que la France est une nation civilisatrice. Les deux termes sont en quelque sorte liés. La nation civilisatrice, c'est-à-dire un grand esprit des Lumières ouvert et dont la fonction est justement d'éduquer ceux qui n'ont pas eu la chance de rencontrer la philosophie, les lettres latines, le grec, etc. Mmh. Donc il y a bien cette idée-là. Or, il s'aperçoit qu'en réalité, c'est une utopie qui, confrontée à la réalité, se délite tout de suite. Et quand est-ce qu'il change de position ? Oh, il change de position en 1910, 1911. Il arrive en Afrique en 1909. Un an après, il a changé de position. Ah oui. Il commence à changer de position. Mmh. On le voit d'ailleurs dans ses lettres à Manuel Gaïsto. Si au début, il ne parle que de littérature parce que c'est la première des choses qui l'intéresse, il vient de publier en fait des recueils de poèmes. Très vite, il va, dans sa correspondance, commencer à parler du réel qu'il est en train de découvrir. D'abord du fait que les colonisateurs en Afrique sont tous des énergumènes parce qu'ils n'ont aucun esprit des lettres. Ils ne lisent pas. Il n'y a pas de bouquin chez les administrateurs coloniaux. Les Blancs, en fait, ne sont pas à l'image de ce à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce que les Blancs, en arrivant en Afrique, soient des modèles de civilisateurs. Soient ceux qui pourraient, justement, pousser les Noirs en Afrique à dire la France est un grand pays de civilisation. Et ils s'aperçoivent qu'en réalité, ce sont des alcooliques, ce sont des soudards. Et puis, je ne dis rien, effectivement, du rapport au sexe, dont il parle d'ailleurs assez bien dans sa correspondance, parce que oui, ils sont plutôt adeptes de la chair fraîche, des jeunes filles, etc. Et donc ça le retourne en quelque sorte, si j'ose dire, par rapport à ses convictions. Et par rapport à d'autres écrivains noirs, comment se situe-t-il, comme des écrivains de la négritude, comme on l'a dit, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor? C'est un précurseur? Senghor considère que René Maran est un précurseur, parce que c'est le premier à avoir dénoncé la colonisation et l'avoir dénoncé avec violence. Et que un des thèmes qui conduit en fait les écrivains de la négritude, c'est effectivement la dénonciation coloniale. Et en ce sens-là, oui, c'est un précurseur. Mais c'est un précurseur de son époque. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui, au fond, est un révolutionnaire, capable, comme un peu plus tard, France Fanon, de se mettre France en tête des barricades. Non, j'ai des barricades intellectuelles. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui dénonce la colonisation dans les excès qui sont ceux de la colonisation, dans les mensonges qui sont ceux de la colonisation, et j'insiste beaucoup sur le terme de mensonge, parce que c'est un des termes qui revient assez souvent chez lui, dans le refus de la justice qui doit être accordée aux colonisés, toutes ces choses morales qui, au fond, n'existent pas dans la pratique qui est celle de la colonisation en Afrique par la France. Et donc, du coup, la France se déconsidère en n'apportant pas aux Africains noirs le rêve dont elle se disait porteuse, en fait. Je vous propose d'écouter René Maran, interviewé en 1950 à la radio française par Jean Le Guével, qui lui demande ce qui l'a amené à écrire avant tout sur l'Afrique. Ce sont les circonstances qui m'ont contraint à devenir ce que je suis devenu. Le succès, pour ne pas dire le triomphe de Batoila, qui a renouvelé toute une manière, m'a fait prisonnier des causes que j'ai défendues et que je défends. Avec la guerre et les Allemands qui sont venus à plusieurs reprises me demander de collaborer avec eux, vous n'ignorez peut-être pas que j'ai refusé malgré les périls que j'encourais. J'ai compris qu'il fallait que je fisse pour la France, en France, ce que mon vieil ami fraternel Éboué faisait là-bas. Donc René Maran, interviewé en 1950, c'est étonnant cette histoire. Il a été sollicité pendant l'occupation par les Allemands pour qu'il écrive un texte dénonçant la colonisation française. Ben oui, parce qu'en fait les Allemands, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que les Allemands ont commencé très tôt, dès 1943, il suffit de regarder les archives pour s'en rendre compte, une propagande en direction des tirailleurs sénégalais, en direction des tirailleurs nord-africains dans les camps. Dans les camps de Bordeaux ou alors de Saint-Médard-en-Jalles, il y avait le grand mythe de cet agent de la Wehrmacht qui passait de camp en camp pour pouvoir justement soulever les tirailleurs nègres contre la France, créant une sorte d'insurrection à l'intérieur de la France pour pouvoir permettre en fait que l'armée allemande s'installe encore un peu plus facilement. Senghor rencontre d'ailleurs assez bien dans quelques-uns de ses écrits où il rappelle que au fond, ayant vécu lui-même dans les camps, tout le monde avait la connaissance de cet agent qui venait en fait vendre l'idée d'une patrie allemande, plus libératrice en fait des tirailleurs sénégalais que la patrie française qui les avait conduits en fait à la guerre et qui faisait qu'ils étaient en fait internés. Alors, de ce point de vue-là, on comprend très bien que pendant très longtemps, il y a eu une propagande allemande qui voulait se servir des intellectuels noirs francophones ou des intellectuels noirs français contre la France, avec, effectivement sous prétexte de la lutte coloniale. Brièvement, Romuald von Kua, quelle a été la fin de la vie de René Maran ? Donc il est mort en 1960, il a eu de nouveau du succès ? Du succès, oui, en 40. Quand il a reçu un prix de l'Académie française, du succès, oui, auprès des jeunes écrivains de l'époque, Édouard Glissant par exemple, mais surtout du succès en 1956 et en 1959, lors des deux congrès des écrivains noirs qui a été organisé par Présence africaine, sous l'égide de Alioune Diop, qui était son fondateur, et qui est, me semble-t-il, un moment très important de l'évolution de l'intellectualisme noir en France et de la littérature. Oui, il a été un précurseur à ce moment-là, bien sûr. Merci beaucoup Romuald von Kua. Sur René Maran, vous venez de publier aux éditions Présence africaine la correspondance Maran-Gaïsto. Et de René Maran, on peut lire bien sûr Batoula, qui a été republié aux éditions Albin Michel avec une préface d'Amin Malouf, ainsi que Un homme pareil aux autres aux éditions du Typhon avec une préface de Mohamed Bougar Sarr. Bougar Sarr, l'écrivain sénégalais qui a reçu le prix Goncourt 2021. Au Twitter, on emporte l'histoire. C'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter, podcaster bien sûr cette émission sur franceinter.fr. Comme d'habitude, j'attends vos réactions sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous évoquerons une affaire qui a laissé des traces profondes dans l'histoire de France. Le 22 décembre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, accusé de trahison, est condamné par l'armée à la dégradation et à la déportation. Contre l'antisémitisme et la raison d'État, quelques individus se battront dès le début pour faire triompher la justice et la République. L'affaire Dreyfus, épisode 1, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.